Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 7. Le printemps, l'été et l'hiver. Vallée au nord, onduleuse prairie, désert charmant, mon cœur formé pour vous, toujours vous cherche en sa mélancolie. À ton aspect, solitude chérie, je ne sais quoi de profond et de doux vient s'emparer de mon âme attendrie. Si l'on savait le calme qu'un ruisseau en tous mes sens porte avec son murmure, ce calme heureux que j'ai sur la verdure, goûté cent fois seul au pied d'un coteau, les froids amants du froid séjour des villes rechercheraient ces voluptés faciles. Si le printemps les champs vient émailler, dans un coin frais de ce vallon paisible, je lis, assis sous le rameux noyé, aux rudes troncs, au feuillage flexible. Du rossignol, le suave soupir enchaîne alors mon oreille captive, et dans un songe, au-dessus du plaisir, laisse flotter mon âme fugitive. Au fond d'un bois, quand l'été va durant, est-il une onde aimable et sinueuse, qui, dans son cours, lente et voluptueuse, à chaque fleur s'arrête en soupirant? Cent fois au bord de cette onde infidèle, j'irai dormir sous le coudre odorant et disputer de paresse avec elle. Sous le saule nourri de ta fraîcheur, ami, fleuve témoin de mes soupirs, dans ces prés émaillés au doux bruit des zéphyrs, ton passage offre ici l'image de la vie. En des vallons déserts, au sortir de ces fleurs, tu conduis tes ondes errantes. Ainsi nos heures inconstantes passent des plaisirs aux douleurs. Mais si voluptueux, du moins dans notre course, du printemps nous savons jouir, nos jours plus doucement s'éloignent de leur source, emportant avec eux un tendre souvenir. Ainsi tu vas moins triste au rocher solitaire, vers ces bois où tu fuis toujours, si de ces prés ton heureux cours entraîne quelques fleurs légères. De mon esprit ainsi l'enchantement naît et s'accroît pendant tout un feuillage. L'aquilon vient et l'on voit tristement l'arbre isolé sur le coteau sauvage se balancer au milieu de l'orage. De blancs oiseaux en troupes partagées quittent les bords de l'océan antique. Tous, en silence, à la file rangée, fendent l'azur d'un ciel mélancolique. J'erre aux forêts où pendent les frimas, interrompu par le bruit de la feuille que lentement je traîne sous mes pas, dans ces pensées mon esprit se recueille. Qui le croirait, plaisir solacieux, je vous retrouve en ce grand deuil des cieux. L'habit de veuve embellit la nature. Il est un charme à des bois sans parure, ces prés riants entourés d'aulnes verts, où l'onde molle énerve la pensée, où, sur les fleurs, l'âme rêve bercée aux doux accords du feuillage et des airs, ces prés riants que l'aquilon moissonne plaisent au cœur. Vers la terre courbée, nous imitons, ou flétrie, ou tombée, l'herbe en hiver et la feuille en automne.